enfants me stupéfieront toujours parce qu'ils arrivent à fabriquer une maison avec deux chaises, un vieux coussin et un petit morceau de carton. Mais moi aussi, Evelyne, les enfants me stupéfieront toujours. Je vois que vous avez employé, tout à fait à bon escient, le verbe « fabriquer ». Il fabrique une cabane. Cela veut dire qu'il la fabrique concrètement, qu'il la fond de toutes pièces. Et on retrouve ici l'étymologie du mot avec faber, le forgeron, celui qui travaillait donc concrètement de ses mains dans une fabrique, qui à l'origine était l'endroit où travaillait le forgeron. Mais une fabrique n'est plus une forge, ou n'est plus uniquement une forge depuis bien longtemps. C'est un endroit où l'on fait un certain nombre de choses, par exemple, c'est pas une fabrique de chaussures. On a le mot fabricant aussi. Mais attention, bizarrement, le mot fabricant désigne le patron de la fabrique, c'est-à-dire celui qui ne fait pas concrètement l'objet en question, mais qui dirige plutôt les ouvriers. Qui les fait fabriquer. Oui, qui les fait travailler. Il s'oppose ainsi aux commerçants qui les vendent, encore que dans certains quartiers et pour certains objets, on trouvera des commerçants fabricants, gage peut-être d'authenticité et de travail traditionnel bien fait. Alors, l'essor du mot fabrique et de la chose d'ailleurs remonte en gros à la fin du XVIIe siècle avec Colbert qui a voulu doter la France d'une structure industrielle moderne pour l'époque. Mais alors, le mot de fabrique va se trouver directement en concurrence avec celui de manufacture. On pense bien sûr à la manufacture des Gobelins, à la manufacture d'Aubusson, c'est-à-dire à des lieux en tout cas où il y avait des productions de prestige. Oui, puisqu'il s'agissait de tapis et de tapisseries. Et puis qu'elles étaient organisées de très haut par Colbert et par Louis XIV. On a parlé également de manufacture de porcelaine, ou même de fusils. Je pense à la manufacture des armes et cycles qui est devenue Manu France, la vieille dame de Saint-Étienne, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais encore maintenant, on parle au Maroc de manufacture de tapis. On a ici l'idée qu'il s'agit d'une technique artisanale, de qualité, toujours à l'œuvre, mais qui a quand même su prendre le tournant industriel et qui donc produit un nombre assez important de tapis, par exemple. C'est de l'artisanat à grande échelle. Maintenant, le verbe fabriquer lui-même a plusieurs sens. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il a très souvent le sens de faire quelque chose de factice. Et ça évoque le mot contrefaçon. Pensons à ce que l'on fabrique de la fausse monnaie, des faux papiers, des meubles anciens. Je vois que vous vous y connaissez. Parce que si vous pensez à la vraie monnaie, la Banque de France... Je ne pense qu'à ça, Evelyne. La Banque de France ne fabrique pas de la monnaie, elle l'imprime. Donc quand on la fabrique, c'est que c'est de la fausse. Et pensons au théâtre maintenant. Si à propos d'un comédien, vous dites que ce personnage est un petit peu fabriqué, ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment, que ce n'est pas très naturel, que peut-être le comédien en fait trop, qu'il ne se sent pas à l'aise dans son rôle. Il fabrique tout ça. De même, si l'on veut travestir la réalité, eh bien l'on se fabriquera de bonnes raisons, un passé sans tache, une virginité politique, c'est-à-dire toutes inventions et toutes créations qui cette fois ne sont pas du tout concrètes. Et qui de temps en temps ne sont pas tout à fait crédibles, tout ça est un peu raide, tout ça est artificiel, ça sent le fabriquer. Et enfin, paradoxe des paradoxes. Si je vous dis, mais enfin Evelyne, mais qu'est-ce que tu fabriques? Mais en fait, t'as vu l'heure? Mais ça fait un quart d'heure que je t'attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien précisément, je ne fabrique rien, je perds mon temps et je suis en retard une fois de plus.